Le système Ribadier, acte 2. Angèle Gussmann. Au lever de rideau, Angèle, toujours endormie, est dans la position où nous l'avons laissée à la fin du premier acte. La lampe est toujours baissée. Tout d'un coup, sur la fenêtre éclairée par le clair de lune, on voit se dessiner une silhouette et Gussmann paraît. Sophie n'a pas oublié. Elle a laissé la fenêtre entrouverte. Oh, d'ailleurs, pour une question d'amour, une femme n'oublie jamais. Oh, il s'agit d'enjamber maintenant. Allez, Ousta. Oh, allons bon. Oh, il y a quelque chose qui a craqué, là. Je me suis accroché. Oh bien, s'il y a une déchirure, hein, avec une bonne reprise. Presti, il fait noir ici. Tiens. Pourtant, la lampe n'est pas complètement éteinte. Il se dirige vers la lampe sans voir le fauteuil où dort Angèle. Il se cogne dedans. Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai touché quelque chose de chaud ? Oh mon Dieu ! C'est peut-être la chienne qui s'est glissée dans le salon. Ah bien, c'est encore heureux qu'elle ne m'ait pas mordu. Pour m'apprendre à lui tirer les poils. Il sort à droite, la scène reste vide un instant, puis on aperçoit Tom Heureux qui se dessine en silhouette sur la fenêtre. Tiens, la fenêtre est grande ouverte, je ne l'avais qu'entrebâillée. Il y aura eu un coup de vent. Bah, que ce soit le vent ou pas le vent, l'heure est propice et les instants sont courts. Allons-y. Je voudrais dire que mon cœur ne bat pas, je mentirais. Il me semble que j'ai un mouvement de pendule dans la poitrine. Allons, voyons, pas de faiblesse. 9h. C'est l'heure du crime à Batavia. Chaud, chaud, là, tombereux. Eh bien, voilà, je joue les Roméo, moi. J'escalade les fenêtres. Je les escalade quand elles ne dépassent pas les rez-de-chaussée. Parce qu'au-dessus, dame. Ah, avec ça, Roméo se serait amusé si Juliette avait eu son balcon au 5e au-dessus de l'entresol. Il remonte la mèche de la lampe. Il prend la lampe et descend en passant entre le fauteuil et la table. Il s'arrête un instant pour contempler Angèle. Oh, si Ribadier me voyait, ça m'embêterait, s'il me voyait, parce qu'il n'y a pas à dire, mon bonhomme. Ça a un nom, ce que je fais là. Ça s'appelle une crasse. Quand un ami vous donne l'hospitalité, il est mal vu d'aller lui prendre sa femme. C'est mal vu, je sais bien, mais ça se fait beaucoup. Non, la seule chose que j'ai à dire, c'est que je l'aime et qu'elle est belle. Regardez-la. Elle est assez jolie, hein. Un vrai Greuze, par Chaplin. Et je résisterai ? Non, non. Il n'y a pas d'amis qui tiennent. Et Ribadier peut venir, je lui dirai. Ne m'accable pas avant de m'entendre. Un seul mot m'excusera. J'avais envie de ta femme. Il tombe aux genoux d'Angèle endormie. Ah, Angèle, mon Angèle. Oui, oui, c'est moi. Ne me repoussez pas. Hein, quoi ? Ah, mais je suis bête, elle dort. Elle ne m'entend pas. Angèle. Angèle. Ce Presti, elle dort comme un sapeur. Je ne puis pourtant pas lui faire ma déclaration sans la prévenir. Angèle ! Ah, non, il n'y a pas. À moins de tirer des coups de revolver, mais encore, ça ne la réveillerait pas et ça ameuterait la maison en endommageant le plafond. Eh non, je suis bête. Mais j'ai le moyen. Ribadier me l'a donné tout à l'heure. Il pense à tout, Ribadier. Je souffle dessus, elle se réveille et ni vue ni connue. Le voilà le moyen. Souffler. Eh bien, je vais faire comme il a dit. Je vais lui souffler sa femme. Flu, flu, Angèle, flu. Où suis-je ? Oh, mon Dieu, je me suis encore endormie. Angèle, mon Angèle. Vous ? Vous ici ? Oui, oui, c'est moi, ne me repoussez pas, je suis un grand coupable, mais au diable les préjugés de la société. Angèle, je vous aime. Vous êtes fou ? Que faites-vous ? Où est mon mari ? Tomreux suit Angèle à genoux. Ne vous inquiétez pas, votre mari est loin et le ciel nous protège. Loin ? Où est-il allé ? Chez le marchand de tabac. Il n'avait plus de cigares. Au nom du ciel, relevez-vous ! Il peut revenir, le bureau de tabac est à côté. Non, nous avons le temps, il est allé à la régie. À côté, les cigares ne sont pas frais. Oh, Angèle, je vous en supplie, écoutez-moi. Vous perdez la tête. Je n'écoute rien. Si, si, laissez-vous aller aux sentiments que vous dicte votre cœur. N'écoutez pas les raisonnements surannés de votre conscience. Je vous aime, vous m'aimez. Moi ? Mais je ne vous aime pas. Si, si, vous m'aimez. Songez qu'autrefois, sans ma timidité, vous me l'avez dit. Jamais ? Mon cœur n'y était pour rien. Je ne vous aimais pas, c'était la chair seulement. Eh bien, je ne vous en demande pas plus. Angèle, je vous aime. Laissez-moi, Tom Heureux. Je ne veux pas. Oh, vous, l'ami, l'hôte de mon mari, c'est infâme ce que vous faites là. C'est infâme, oui, mais c'est humain. Angèle, mon Angèle. Mais laissez-moi. Quelle monstrueuse pensée avez-vous donc? Vous ne vous êtes donc pas dit que vous commettiez là une horrible félonie? Oh si, je me le suis dit, 10 fois, 20 fois. Eh bien? Eh bien, à la 20e, j'y étais habitué. Oh, c'est affreux! Vous qui m'avez donné votre parole, vous qui m'avez promis de retourner à Batavia? Ah, retourner à Batavia! Elle me demande de retourner à Batavia, quand j'ai de l'amour plein le cœur, quand je déborde. Ah, vous ne l'espérez pas? Eh bien non, je ne m'en irai pas à Batavia! Oh là là, avez-vous dû me tenir en assez piètre estime quand j'y suis allé à Batavia? Au contraire, j'avais dit, voilà un brave garçon. C'est bien ce que je dis, un bon imbécile. Oui, oui, oh, je sais ce que parler veut dire, mais du moins cette fois-ci, j'avais une excuse. Robineau, que j'aimais comme un frère. Je suis parti pour lui. Ce n'est pas une raison, madame, pour que je le fasse pour tous ses successeurs. Oh! Ça m'a bien réussi, oui, d'y aller là-bas. Ça a permis aux malins de profiter de mon absence pour s'emparer de la place. Et quand je suis revenu, elle était prise, la place. Vous étiez remarié, pour ne pas démarquer votre linge. Ah! Voyons, voyons! Vous saviez que je vous aimais. Vous deviez être à moi. C'est mon bien qu'il m'a pris. Eh bien, je le reveux à présent, mon bien. Je le reveux. Je ne sais pas si le droit est pour moi. Je m'en fiche. La loi peut me condamner. Je ne sais qu'une chose. C'est qu'on m'a lésé, que je suis spolié et que je veux reprendre ce qui m'appartient. Tom Heureux, je vous en supplie. Je t'aime. Je te dis que je t'aime. M'entends-tu? Mon cœur déborde et des flots de poésie me montent au cerveau. Je me sens poète. Vous? Oui, poète. Si je vous le disais pourtant que je vous aime, qui sait, brune aux yeux bleus, ce que vous en diriez? L'amour, vous le savez, cause une peine extrême. Mais c'est de Musset. Je n'ai pas dit que ce fut de moi seul. Ah bon? Musset l'a écrit, moi je l'ai pensé. Oh, Angèle, dites-moi que vous m'aimez. Eh bien, oui, mais à une condition. Vous voulez de mon amour? Oui. Eh bien, à vous de le gagner. Et quoi, je puis espérer? Ah, ma vie s'il le faut. Demandez-moi de me tuer devant vous, si vous devez m'appartenir après. Je ne vous en demande pas tant. Retournez à Batavia, voilà tout. Voilà tout. Elle appelle cela, voilà tout. Des continents, des mers, tout cet espace entre nous. Cela me donnera la mesure de votre amour. Je ne mesure pas mon amour au kilomètre. Tom Heureux, vous ne m'aimez pas. Mais si, je vous aime! C'est même pour ça que je ne veux pas m'en aller! Mais vous ne pensez donc pas à ce que vous me demandez? M'exiler là-bas? Me forcer à aller me ronger aux 100 000 diables? En attendant quoi? Que mon tour arrive? En être réduit à souhaiter la disparition d'un homme, d'un honnête homme? Un homme qui, vous avez beau dire, est mon prochain après tout? Eh bien non, ma conscience se révolte à cette idée, plutôt que d'attendre qu'il ne soit plus pour... Dieu, j'aime mieux lui prendre sa femme tout de suite, et qu'il vive! Oh, Tom Heureux! Sans compter qu'on ne sait jamais ce que ça dure, un mari. Oh, mon pauvre Rébadier! Ah là, vous voyez, vous êtes ému. Mais est-ce que je n'ai pas raison, voyons? Est-ce que cela ne sera pas bien plus charmant ainsi? Nous nous arrangerons une petite existence à nous trois. La vie calme, de ménage. Tout ça bien à sa commodité, naturellement, parce qu'il ne faudrait pas qu'il en souffrit, le pauvre garçon. Et nous le dorloterons, nous le cajolerons. Ce sera le plus heureux des hommes. Nous le tromperons tous les deux. Et nous nous aimerons tous les trois. Ne sera-ce pas le paradis? Vous êtes fou, mon ami. Oh, que vous êtes drôle, mais je ne comprends pas vos scrupules. Mais les femmes les plus honnêtes font ça. Oh! Parfaitement. Seulement, on ne l'a pas su, voilà tout. Mais l'histoire fourmille de ces héroïnes qui avaient su concilier leurs devoirs avec leurs penchants. Mais même dans l'histoire sainte, vous avez des principes religieux, vous. Eh bien, l'histoire sainte est pleine de ces exemples. L'histoire sainte? Oh non! Un exemple! Dites-moi un! Mais Mars et Vénus tenaient sous le nez de Vulcain! Il appelle ça l'histoire sainte! Et puis nous perdons un temps précieux, vous m'entretenez de paroles pour gagner du temps. Je vous dis que je vous aime, que je vous aime. Ma passion s'exaspère. Taisez-vous, Tom Heureux. Laissez-moi. Non, je ne te laisse pas. Arrive ce qui voudra. Oh, finissez ou j'appelle. Elle se précipite sur la porte du fond. Fermée ? Se précipitant sur la porte de droite. Fermée aussi ? Et pas de clé ? Non. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est une infamie ? Tom Heureux, je vous ordonne d'ouvrir. Non. Non ? C'est trop fort. Ouvrez, je vous dis. J'ai pas la clé. Hein ? C'est votre mari. Votre mari qui vous a enfermé. Mon mari ? Mais pourquoi ? Ah, ça, c'est le secret d'en haut. Eh bien, il me reste la fenêtre. Angèle, vous ne ferez pas ça ? Si. Non ! Oh, Dieu ! Mais qu'est-ce qu'il fait donc, mon mari, chez le marchand de tabac ? Angèle, mon Angèle ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le timbre de la porte cochère. De coup, c'est mon mari. C'est son mari. De coup, c'est son mari qui revient. Comme il a été vite, nous sommes perdus. Eh bien, qu'est-ce qui vous prend ? Rien, rien. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait donc ? Il lutte contre la porte comme pour empêcher quelqu'un d'entrer. Ah bien, nous sommes bien. Ah bien, nous sommes bien. Mais enfin, qu'est-ce que vous avez à courir comme cela ? Je ne cours pas, j'envisage une situation. Vous avez une drôle de façon d'envisager. Qu'est-ce qu'il va dire quand il la trouvera réveillée ? Lui qui l'avait si bien endormie, il comprendra tout. Oh, quelle idée ! Je vais l'endormir. Angèle, Angèle, venez ici. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, hein ? Regardez-moi bien dans les yeux. Que vous êtes drôle comme ça. Non, non, je ne suis pas drôle. Ne riez pas et regardez-moi bien. Eh bien, après ? Vous ? Vous ne sentez rien ? Si, si, je sens. Elle sent, elle sent. Oui. Comme une odeur de cosmétique. Hein ? Mais non, ça c'est mes cheveux. Oh là, mais je vous parle intérieurement, vous ne sentez rien ? Qu'est-ce que vous voulez que je sente ? Elle ne sent rien, mais essayez, voyons, essayez. Essayez quoi ? Et sentir, allez donc, allez donc ! Oh, mais je ne peux pas, je n'ai pas de fluide. Mais enfin, où voulez-vous en venir ? Au nom du ciel, Angèle, faites ce que je vous dis. Asseyez-vous là, dans le fauteuil. Quand votre mari entrera, faites semblant de dormir et ne bougez pas qu'il ne vienne lui-même vous réveiller. Signifie ? Je vous le dirai plus tard, mais quoi que vous entendiez, pas un geste, pas un cri, rien, je vous en supplie. Il y va des conséquences les plus graves. Je rétablis la mise en scène et maintenant je me sauve. Pas un mot, vous entendez ? Pas un mot. Dormez, je le veux. Il enjambe la fenêtre et disparaît. Angèle, Savinet et Ribadier. Dormez, dormez ! Mais il est fou ! Mais qu'est-ce qu'il a ? Oh, il se passe ici quelque chose d'anormal. C'est mon mari. Il n'est pas seul. Oh, ma foi, dormons ! J'aurai peut-être comme cela la clé de cette énigme. Ribadier entre précipitamment et referme brusquement la porte sur lui, mais rencontre une résistance. Une personne est derrière la porte qui veut entrer. Mais enfin, monsieur, avez-vous bientôt fini ? Je vous dis que j'entrerai. Mais non. Mais si. Mais sapristi, qu'est-ce que vous voulez ? Enfin, je vous tiens. Bon, c'est bien, attendez. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire ? Angèle dort toujours, je suis tranquille. Ah ça, me direz-vous ce que vous voulez, monsieur ? Je ne vous connais pas. C'est bien, monsieur, ne criez pas. Je dois vous dire ce qui m'amène, mais d'abord, faites sortir mademoiselle votre fille. Où ça, ma fille ? Là, c'est ma femme. Eh bien, faites sortir votre femme. Ce que j'ai à vous dire ne peut être entendu que de nous. Vous pouvez parler sans crainte, monsieur. Ma femme dort, et quand elle est dans cet état, on pourrait tirer le canon à côté qu'elle ne l'entendrait pas. Mais il n'y a pas de canon sur moi, je puis refaire l'expérience. Mais du moment que vous me l'assurez... Monsieur, je n'irai pas par quatre chemins. Un mot vous dira tout. Je suis monsieur Savinet. Aïe. Savinet ? Mais monsieur, ça ne me dit rien du tout. À moi non plus. Ça ne vous dit rien. Alors, je vais être plus explicite. Monsieur, vous êtes l'amant de ma femme.

Comment ? Il va lui vendre du cognac à présent ? Oh, vous verrez, vous m'en direz des nouvelles. Alors nous disons, monsieur... Ribadier. Ribadier. Oh, en fait, ma femme doit savoir votre nom. Du moins, je suppose. Ribadier, une pièce fine champagne, 65. Ce sera payable à votre choix, comptant avec 5% d'escompte ou à 90 jours sans escompte. Ah, mais je vous en prie, à votre commodité. Oh, on n'est pas plus aimable. Oh, il était pique. Bon, voilà qui est fait. Alors, monsieur, c'est convenu. Parfaitement. Si vous dites un mot, je vous tue. Hein ? Ah, pardon, je n'y étais plus. C'est convenu. Toujours à vos ordres, monsieur. Oh, mais pardon, je vous reconduis. Trop aimable. Mais c'est une femme du musée Grévin, cette femme-là. Très joli, ce portrait, hein, Rubens. C'est un de vos parents ? Ah, ça, c'est le mari de ma femme. Tiens, vous êtes deux ? Comment, deux ? Mais non, c'est le premier mari. Ah, c'est le... Ah, vous n'êtes que le second. Oh, ben bref, j'aimerais pas ça. Pourquoi donc ça ? Tiens, parce que pour le second, c'est un peu comme le dîner des domestiques. Ça a déjà passé à la table des maîtres. Mon Dieu, monsieur, chacun dîne comme il peut. En tout cas, j'aime encore mieux être à ma place qu'à la sienne. Des goûts et des couleurs. En voilà un malotru. Savinet touche du doigt la figure d'Angèle. Mais elle est vraie. Allons, monsieur. Tenez, monsieur, par ici. Parfaitement. Oh, dites donc, elle a le sommeil rudement dur, votre femme. Et vous savez, si vous avez besoin par hasard d'un bon pontet cadet, j'aurai une excellente occasion. Ils disparaissent. Angèle seule, puis Ribadier. Oh, la canaille ! Oh, la canaille ! Je ne sais pas comment j'ai fait pour me contenir jusqu'à présent, comment je ne l'ai pas étranglée 10 fois. Oh, la canaille ! Oh, la canaille ! Ah, ça me fait du bien de m'épancher. Le voilà donc, son marchand de tabac. C'était la femme de cet imbécile qui lui vend du cognac. Oh, il sera exécrable, son cognac. Évidemment, il profitera de la situation pour lui écouler ses alcools les plus avariés. Mais ce sera bien fait, et je le forcerai à l'avaler jusqu'à la dernière goutte, son cognac. Ah, tu vas voir de quel bois je me chauffe, mon bonhomme. Lui ! Oui, au revoir, monsieur, au revoir. Ah, le bon type. Si vous dites un mot, je vous tuerai. Ta-ta-la-ta-la. Tararaboum de hé, je vais la réveiller. Je vais vous en donner, moi, du tarraboum de hé. Ma femme ? Ta femme, oui ! Oh, éveillée. Oh, elle est éveillée. Ah, vous ne vous attendiez pas à me trouver là, à ce qu'il paraît ? Non, si. Comment a-t-elle pu s'éveiller ? Ma misérable ! Ah, perfide ! D'où viens-tu, hein ? Ose donc le dire, d'où tu viens ? D'où je viens ? Tu veux savoir d'où je viens ? Eh bien... Tu mens ! Eh bien, je n'ai encore rien dit ! Je vais te le dire, moi, d'où tu viens. Tu viens de chez ta maîtresse, Madame Savinet. Madame Savinet ? Vous savez très bien de qui je veux parler. Son mari sort d'ici. Qui ? Le monsieur qui était là tout à l'heure ? Oui, cet idiot. Ah ouais, assez drôle. Et alors, tu crois que je suis l'amant de sa femme ? Si je le crois ? Ah non ! Ça, c'est une trouvaille. Ah, ah, ah, ah, que c'est amusant. Oh, et puis, ne ris pas comme ça. Tu as l'air d'un crétin. Merci. Ah ça, tu n'as donc pas compris tout de suite. Quoi ? Elle n'a pas compris, la pauvre chérie. Ah ça, dis-moi donc, est-ce que tu vas nous jouer une comédie ? Une comédie ? Eh bien, justement, tu y es. C'est une comédie que nous répétons pour le cercle. Parce que l'homme que tu as vu tout à l'heure... Savinet, oui? Eh bien non, il ne s'appelle pas Savinet. Voilà ce qui te trompe. Il s'appelle Baliveau. Ah? Oui, c'est un membre de mon cercle. Et dans la pièce, il fait le rôle de Savinet, le mari trompé. Et moi, je fais l'amant. Je ne voulais pas, mais le président m'a dit... Oh si, si, il n'y a que vous qui y ait du physique. Vraiment? Alors c'est toi, l'Antinous du cercle? Eh bien oui, c'est moi l'Antinous, comme tu dis. Eh bien, ça donne une fière idée de la beauté des autres. Mais c'était une pièce, cher ami, c'était une pièce. Ah, c'est donc ça. Il me semblait aussi que par moments, c'était en verre. Mais tout le temps, cher ami, tout le temps, c'est en verre superbe. Mais vous aurez là un gros succès. Il y a certaines scènes, c'est vécu. Et je crois bien. Je ne croyais pas que ça se passerait si facilement. La scène, par exemple, où le mari reçoit de l'amant une commande de cognac. Très, très drôle. C'est le clou, ça. Nous y comptons beaucoup. Comment est-ce donc? Hein? Quoi? La... Oui, dis-moi les vers. Les vers, cher ami. Tu veux que je te dise les vers? Eh bien, oui. C'est que je ne sais pas fabriquer des vers, moi. Eh bien, va. Eh bien, voilà. Eh bien, Savinet s'avance et dit ta chose... L'amant? Comme tu as la mémoire des noms. Quelle fichue idée que j'ai eue de dire que c'était en vers. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Mais, cher ami, je cherche le fil. Tu comprends, des vers... Ah oui, voilà. Savinet se versant un verre de cognac et buvant. Il est très bon, monsieur, votre excellent cognac. Mais il n'est pas tout pur. Il y a de l'armagnac. Oui, oui, en effet. Je me rappelle, il a parlé de ça. N'est-ce pas? Eh bien, mais armagnac et cognac... C'est pas trop mal. Continue. Voilà. Combien le payez-vous? Moi, mes 8 francs la bouteille. Savinet. C'est cher, mais je pourrais. Et qui vient de ma treille vous fournir à 6 francs une excellente fine champagne. J'en ai justement encore 2 ou 3 pièces à ma campagne. Oh, très joli, très joli. Le dernier vers, surtout. Mais, n'est-ce pas? Il est long. Ah oui, c'est un vers long. Ah, c'est parce que c'est la fin de la tirade. Je ne me reconnais pas, je fais des vers, je suis poète. Et quelle est ta réponse à son offre de cognac? Eh bien, qu'est-ce que tu voulais que je lui répondisse? Je lui en ai pris un fût. Hein? Mais dites donc, ce n'est pas en vers, ça? Si. Seulement, je te donnais l'idée générale. Mais c'est en verre. Oui, oui. Si j'en veux du cognac? Ah, parbleu, je crois bien. Expédiez-moi tout de suite une pièce. Nom d'un chien. Charmant. Et de qui est cette belle pièce? Ça, de Rostand, cher ami, de Rostand. Et tu n'as pas reconnu la facture? Pas du tout. Pourtant, c'est bien reconnaissable. Oui, dame. Ainsi, c'est une pièce. Une pièce que vous répétez. C'est bien. C'est tout ce que je voulais savoir. Eh bien, où vas-tu? Nulle part. Elle sort. Ribadier, puis Thomereux. Ouf, quelle affaire. Réveillée. Elle était réveillée. Ah, mais comment? Elle n'a pas pu se réveiller toute seule. Ça ne lui est jamais arrivé. Quelqu'un se sera donc permis. Oh, le gredin. Le misérable. On peut entrer? Ah, mon ami. Entre, entre. Son ami, il ne sait rien. Ah, si tu savais ce qui m'arrive. Ma femme. Ah, ma femme qui a été réveillée pendant mon absence. Non. Oh, si. Tu ne me feras jamais croire ça. Et par qui? Je te le demande. Dieu, la fenêtre ouverte. Ah, c'est par là qu'il sera entré. Qui? Le polisson. Le polisson qui a réveillé ma femme. Ah, je voudrais le tenir comme je te tiens, le misérable. Hé là, tu me fais mal. Ah, mais je le retrouverai. Et je te jure qu'il passera un mauvais quart d'heure. Ah, décidément, je crois que je ferais bien de retourner à Batavia. Ah, songe donc à cause de lui. Ma femme a tout entendu. Et que j'ai dû faire des vers. Ah ? Non, mais tu vois ce que ça peut être, des vers faits par un ingénieur. Il y en avait de trop courts, il y en avait de trop longs. Ça faisait une compensation. Ah, c'est égal. On a bien raison de dire que tout homme a au fond de soi un poète qui sommeille. Permets, on n'a jamais dit un poète, on a dit un cochon. Ah, tu crois ? Enfin, je savais bien que c'était quelque chose comme ça. Je comprends pas un mot de ce qu'il me raconte. Ah, je m'en souviendrai de celle-là. Savinet entre. Oh, monsieur ! Hein, lui ? Vous ? Qu'est-ce que vous venez faire ? Il faut que je vous parle. Mais d'abord, faites sortir, monsieur, votre fils. Moi ? Lui ? Mais ce n'est pas mon fils. Vous n'allez pas me dire que c'est votre mari ? Que c'est bête ce que vous dites là. Mais qu'est-ce qu'il a donc tout le temps à me faire des enfants ? Eh ben alors, puisque c'est pas votre fils, faites sortir ce quelconque. Oui. Veux-tu aller m'attendre un instant par là ? Volontiers. Il vient pour lui emprunter de l'argent, ce quelconque. Et maintenant, faites vite. Qu'est-ce que vous voulez ? Ce que je veux. Venez avec moi. Où ça ? Chez ma femme. Ah non, je vous remercie. Pas ce soir. Pardon, ce soir ça presse. Ah ça, mais qu'est-ce que vous faites donc aux femmes, vous ? Pourquoi ça ? Pourquoi ? Parce que la mienne dort, monsieur. Et je peux pas arriver à la réveiller. Hein ? Je l'ai trouvée sous l'influence d'un sommeil invraisemblable, comme votre femme, tout à l'heure. Sapristi ! Et dans une tenue. Oh, vous me permettrez de ne pas qualifier sa tenue. Ce sera moi dans mon affolement. Je l'aurai trop regardée et je l'ai endormie. Et qu'est-ce que vous avez fait en la trouvant comme ça ? Ce que j'ai fait, je l'ai regardée et j'ai dit « C'est ma femme !» Bah, je ne vous demande pas ça. Vous n'avez pas essayé de la réveiller ? Comment j'ai pas essayé ? Voilà une demi-heure que je la secoue sans arriver à aucun résultat. Alors je me suis dit « Il y a du ribadier là-dessous !» J'ai dit « ribadier tout court » parce que vous n'étiez pas là. Oui, ça m'est égal. Venez avec moi. Il veut l'entraîner. La porte de gauche s'agite. Allons bon, voilà Angèle. Pour Dieu, allez-vous-en. Vous pouvez bien la réveiller vous-même. Et comment ? Mais plus bas donc, plus bas. Et comment ? En lui prenant les mains et en soufflant dessus. En lui prenant les mains et en soufflant dessus ? Bon, eh bien, je vais lui souffler sur les mains. Ouf! Ah, dites donc, faut-il souffler chaud ou froid? Mais plus bas, donc! Il a la rage de crier! Faut-il souffler chaud ou froid? Chaud ou froid, ça ne fait rien! Plus bas, donc! Il a la rage de crier! Il sort. Ribadier et Angèle. Et maintenant, ouvrons! Oh, ça ! Mais qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie ? Vous n'entendiez donc pas ? Je n'ai rien entendu. Tu sors donc ? Oui. Où vas-tu ? Où je vais ? À ton cercle, mon ami. Et dire de ta part qu'on me réserve deux bonnes places pour ta représentation. Mais tu n'y penses pas. D'abord, les femmes ne sont pas admises à la représentation. Oui, da. Ah, ça ! Dis-moi donc, est-ce que ça va durer longtemps ? Dans cette comédie que tu me joues depuis une heure ? Plaît-il ? Est-ce que tu t'imagines que j'y ai cru un instant et que je ne sais pas que tu viens de chez ta maîtresse ? Moi ? Oui, toi. Ah, je vais t'en donner, moi, des maîtresses. Et d'abord, puisque c'est comme ça, dès ce soir, tout le monde saura que tu es l'amant de Madame Savinet. Ah, malheureuse, tu ne feras pas ça. Oh, je me gênerai. Mais elle veut me faire tuer. Je t'en prie, songe aux conséquences. Quelles conséquences ? Savinet vous tuera ? Eh bien après, sa femme en sera quitte pour prendre un autre amant, voilà tout. Angèle, tu ne feras pas ça. Ah, c'est ce que nous verrons. Tu ne feras pas ça. Si, je le ferai. Si, je le ferai. Si, je le ferai. Et moi, je te dis que tu ne sortiras pas. Si, je... Si... Peu à peu, Angèle subit l'action du fluide et retombe endormie sur le fauteuil. Tu resteras là, tu... Allons bon, je l'ai endormie sans le vouloir. Ah, ma foi, tant pis, puisque ça y est, je vais la laisser dormir comme ça 10 ans, 15 ans, avec son chapeau et son parapluie. Elle aura peut-être oublié à cette époque-là. Seulement, elle va me gêner beaucoup. Oh bien, en la rangeant là-haut dans une chambre. Mais non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas une solution, ça. Ah non, non. Comment me tirer de là, maintenant ? Thomereux entre. Dis donc, tu m'oublies là-dedans ? Oh, quelle idée. Arrive ici, toi. Moi ? Ah, ta femme qui redort. Oui, tiens, mets-toi là à cette table. Nous allons jouer à l'écarté. Hein ? À cette heure-ci, à propos de quoi ? Il le faut. Il n'y a pas de temps à perdre. Mais je ne sais pas y jouer. Ça ne fait rien. C'est moi qui gagnerai. Mais d'abord, songeons à tout. Qu'est-ce que tu fais ? Je la déshabille. Devant moi ? Mais je range ces objets à ma femme. Il les met dans un meuble, à droite, prend la corbeille à ouvrage qui était restée sur la table, la place sur les genoux d'Angèle, puis lui met une tapisserie dans une main et une aiguille dans l'autre. Je veux être pendu si je comprends quelque chose. Mais tu n'as pas deviné que ma femme sait tout. Oh bah. Et qu'il n'y a que ce moyen-là de conjurer le mal. Faisons une partie d'écarté. Oui, oui. Je ne vois pas bien en quoi une partie d'écarté... Eh comment ? Tu ne saisis pas. Et parbleu, il s'agit de jouer ma femme. À l'écarté ? Ah non, alors au baccarat plutôt, j'y ai la veine. Quoi ? Mais qu'est-ce que tu vas comprendre ? Nous allons jouer ma femme. Nous allons lui donner le change, quoi. Ah bon ? Ça m'étonnait aussi de sa part. Je ne te demande qu'une chose dans tout ça. C'est de dire tout le temps comme moi. De dire comme toi ? Bon, bon. Je ne vois pas trop où ça nous mènera, enfin. Je fais les cartes. Je fais les cartes. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Comme tu voudras. Comme tu voudras. Enfin, il faudrait se décider. Enfin, il faudrait se décider. Ah, ça, dis donc. Est-ce que tu as bientôt fini de répéter toutes mes paroles ? Comment ? C'est toi-même qui viens de me dire de dire comme toi. Eh, que tu es bête. De dire comme moi. D'abonder dans mon sens quand ma femme sera réveillée. Ah bon ? Moi, n'est-ce pas, tu me dis ? Bon, bon, bon. Allons-y. Oui, mais je t'ai prévenu. Je ne sais pas y jouer. Oui, oui. Il souffle deux fois sur le visage d'Angèle qui se réveille lentement. Ribadier se rasseyant et bat à Thomereux. Tu y es ? J'ai le roi. Moi j'en ai deux. Mais tais-toi donc. Quel âne. Où suis-je ? Que s'est-il passé ? Cœur ! Eugène ? Eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il joue aux cartes avec Thomereux ? Cœur ! À tout. Ah, oh, ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et à tout, ça fait 5, j'ai gagné. À quoi vois-tu ça ? Eugène ? Ah, tu as bien dormi, cher ami. Comment j'ai bien dormi ? Eh bien oui, je te demande. Comme voilà une heure que tu fais un somme. Que je fais ? Ah, ça ? Voyons. Compris. Oh, mais ça me va, comme j'ai remporté une veste. Eh bien, et mon en tout cas ? Et mon chapeau ? Quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait de mon chapeau et de mon en tout cas ? Comment est-ce que tu en as fait ? Est-ce que tu les avais ? Il a un toupet. Je ne les avais pas ? Dame, pour dormir, je ne vois pas. Ah, ça ! Voyons, voyons. Oh, tu ne me parais pas encore bien éveillée. Je ne suis pas folle, cependant. Ça prend. Ça prend. Alors, tu n'es pas sorti tout à l'heure ? Moi ? Ah, ah, ah, Thomereux, tu l'entends ? Nous n'avons pas cessé de jouer à l'écarté. Même il a triché tout le temps. Ah, permets ! C'est pour la vraisemblance. Il n'est pas venu un homme ici ? Un homme ? Oui, Monsieur Savinet. Savinet ? Thomereux, tu connais Savinet, toi ? Savinet, attends donc, il me semble me rappeler que sous Louis XVI, un cousin de Jeanne d'Arc... Non, Le mari de la maîtresse de Gênes. De ma maîtresse? Ah, elle est bien bonne. De ma maîtresse. Tu entends ça, Tom Heureux? De sa maîtresse. Alors vraiment? Ce n'est pas vrai? Ah, elle le demande. Ah, tu en as de bonnes. Ce n'est pas vrai. Ça a pris. Ça a pris. Oh, puisque ce n'est pas... Tu n'as pas idée du rêve bête que j'ai fait. Non. Tu as rêvé? Oh, Tom Heureux, ma femme a rêvé. Elle a rêvé, oui, oui. Tu avais une maîtresse. Ah. Attendez donc, vous ne savez pas ce que je vais dire. Le mari t'avait surpris, il s'appelait Savinet, je ne sais pas pourquoi. Savinet? Ah. Ah, que c'est drôle. C'est d'un drôle. Il te poursuivait jusqu'ici, il te provoquait, te vendait du cognac et tu faisais tes vers. C'est à mourir. C'est à mourir de rire. Oh là là, oh là là. Va donc, va donc. Tu venais de sortir pour aller chez ta maîtresse? J'étais seule. Ah oui, ah oui, oui. Ça prend trop. Ça prend beaucoup trop. Et alors? Alors? Mais non, je ne peux pas raconter ça devant Monsieur Tom Heureux. Eh bien oui, c'est ça, si vous croyez que devant moi. Oui, c'est un rêve que vous n'avez pas besoin de connaître. Je ne demande pas, je ne demande pas. Je le raconterai à mon mari quand nous serons seuls. Oh là là. C'est égal. J'avais bien... Que c'est bête, les rêves. C'est idiot, n'est-ce pas, Tom Heureux? Idiot. Le marchand de cognac. Savinet. Le cousin de Jeanne d'Arc. Ils se tordent de rire, chacun dans sa disposition d'esprit. Pendant qu'ils sont bien en train de se pâmer, Savinet paraît au fond, et les voyant rire, il se met à rire aussi. Savinet! Savinet! Savinet? Ah, ah, ah. Je ne l'ai donc pas rêvé, ce dandin-là. Qu'est-ce qu'ils ont? Mais qu'est-ce que vous voulez, malheureux? Qu'est-ce que vous voulez? J'ai eu beau souffler chaud, j'ai eu beau souffler froid. C'est bien vous, monsieur, qui êtes le mari de la maîtresse de mon mari? Ah, il vous a dit... Allez au diable, Angèle, je vais t'expliquer. Laissez-moi, monsieur. Tout est fini entre nous. Vous avez dit que vous étiez l'amant de ma femme. Je vous tuerai.